okundia ye obeta maboko Odin odinonga bakani manolo vaka non mwana okotika la kase elili okokoma mwinda te entre molema Isaïe, tola na le guide. Mwana mama mi ala na nzembo, papa na didye bisoki. Ego, Viki mputu. Oko masima ete la parole. La parole ete avec ete. Ibrahim Chakou. La parole ete, yeah. Samba ni bale likolo, la terre ke la mana li loba. De parler, casi de pourquoi pour la n'importe quoi. C'est ton âme pour moi, les qui ne trop parler pour ma part. Yaouli, Henri, papa, qui tata, à Bemila. Les Kézana, ma quitte à la bino, les Batana, comme moi, je suis. L'évangélisation, la bino, c'est pour moi, pour pas. Bongi, Bouéko, Azaël, Limanouni, Bella, Bina, Bina, Bossé, Matin, Foko, Salamunda. La vérité blesse. Mais ce n'est pas la faute à celui qui l'a dit, c'est la faute à la vérité. Chanson 20 Rotterdam. Bouébi Kelibanga Bobambi et Kweite. Et quand ami dans mon pépé, mon pali kambo na moto te. Y'a des sa mon pali kambo te na moto yidi. Sasa soukola na ma belle, libata na maye. Kanya le ki petwa mon pauti, ma pépé sistema susu. Tolo pa ki tokola na sistema, tomba na simba. Zela nya sa mon pawa koleka, tout le monde suit. Trésor use. Aleka ole pia tout mona, aleka. Arc de triomphe, papa Nanadette, des deux poitiers. na kwa sa. Ah, José Kongolo Mibé la loi. Adam Bombo le prêtre. Rajungoma Multimedia, Pauline Chapo, Freddy Bajana.